Deuxième temps d'une série d'émissions de La Fabrique de l'Histoire consacrée à l'histoire du Pacifique. Aujourd'hui, le documentaire d'Anaïs Quin et de Françoise Camard, enregistré en Nouvelle-Calédonie à propos de ces Japonais de Nouvelle-Calédonie qui sont arrivés à la fin du 19e siècle et qui ont dû quitter cette Nouvelle-Calédonie en 1941. Ils sont venus pour exploiter les mines, mais ils ont dû quitter la Nouvelle-Calédonie à partir du moment où le Japon était entré en guerre, dans la guerre du Pacifique. Et c'est cette histoire que raconte le documentaire, mais surtout l'histoire de leurs descendants, ceux qui n'ont plus de père, qui sont restés sur place et qui ne les ont plus jamais vus, avec Cécile Iga, Marie-Josée Michel, Sophie Nakamura, André Nakagawa, À nos pères, un documentaire d'Anaïs Quin, réalisé par Françoise Camard. Voilà son petit taxi qu'il avait emprunté sur enterrement pour acheter là. Et cette petite maison au quartier latin, elle est toujours là. Hein, ils vont bientôt la démolir, c'était une fleuriste qu'il y avait là. Et c'est là que vous habitiez? Dans le quartier latin, oui. Et on vous voit, vous, sur cette photo? Oui, c'est oui, vous, là, derrière, voilà. Voilà mes trois sœurs, puis il y a une amie là. Et voilà, une, deux, les trois sœurs, puis moi, là, voilà le gros balèze derrière. Et ça, c'est le klaxon qu'on voit? Oui, c'était le pup-pup. Ah, il n'y a pas de klaxon, avant c'était la corne. Ah oui, c'est le nom des personnes qu'il y a derrière. 1932, au quartier latin. Jeanne, Marie, Ida, Yvonne, ah, oui. Yvette, Nicole, ah, voilà. André, Paulette. Voilà. Et papa. Mmh. Oui, j'avais quel âge? 24, 8 ans. Nos pères, histoire d'une disparition. Les yeux bleus, c'est du côté de ma mère. Disons, toute la famille a les yeux bleus. Oui, parce que vous aussi, vous avez les yeux bleus. Gris-vert, hein, je pense. Hein. Alors là, c'est ce mélange, comme m'a expliqué le fabricant de lunettes, l'oculiste. Il m'a dit, c'est le mélange des sangs. Ce mélange des sangs, c'est celui des ouvriers japonais venus massivement dès la fin du 19e siècle pour exploiter les mines de Nouvelle-Calédonie et celui des femmes européennes ou mélanésiennes rencontrées à la faveur de cette immigration. Des hommes déracinés, progressivement intégrés, que les autorités alliées décident d'expulser en 1941 après l'attaque de Pearl Harbor et l'entrée en guerre du Japon aux côtés de l'Allemagne nazie. Témoignage de ses enfants devenus brutalement orphelins de père à la faveur d'une guerre mondiale. Vous savez pourquoi votre père a choisi de partir pour la Nouvelle-Calédonie, Sophie Nakamura? Eh bien, le même jour, je sais qu'il y avait au départ de Kobe, d'où il est parti. Il y avait un bateau pour la Nouvelle-Calédonie et un bateau pour Hawaï. Alors maintenant, pourquoi il a choisi les mines plutôt que les plantations d'ananas, je ne sais pas. Alors qu'il était plutôt un paysan, fils de paysan. Il a voulu peut-être tout changer. Changer de vie. Changer de vie, voilà. Il était jeune, hein, il avait 23 ans. C'était quand? En 1914. Donc il est resté bloqué ici avec la guerre. Il était venu pour 4 ans de contrat avec la SLN à Tio. Et après, donc il est resté, quoi. Après son contrat. Il s'appelait comment, votre père? Otojiro Nakamura. André Nakagawa, à quel moment arrive votre père en Nouvelle-Calédonie? Mon père arrive du Japon en 1910 pour travailler à la société Le Nickel avec un contrat de 5 ans, comme tous les Japonais du Ressin. Il était déjà mineur au Japon ? Non. Il était charpentier. Avant la guerre, c'est-à-dire à cette époque, c'était un peu la crise au Japon. Surtout que lui, il était dans l'île du Sud. Vous savez pourquoi il a choisi de venir en Nouvelle-Calédonie ? Ben c'était à l'époque, la société Le Nickel embauchait des ouvriers japonais. Donc, comme le travail était vraiment dur là-bas au Japon, puis les salaires n'étaient pas terribles. Alors, beaucoup sont partis de cette façon, dont mon père. Lui, il est arrivé en 1910 ici, avec son petit contrat de 5 ans. Et après ces 5 ans, bien sûr, ils ont pratiquement tous changé de société où ça payait mieux. Et parce que d'autres mineurs s'étaient installés. Et bien sûr, tout le monde cherchait à gagner le plus. Mais c'était un travail laborieux. À l'époque, c'était la pelle, la pioche, et au soleil, à la pluie, au soleil, et le petit wagonnet à pousser. Là, c'était pas la joie. Il avait quel âge quand il est arrivé en Nouvelle-Calédonie ? 1880, ben, donc il avait 30 ans. Mais seulement après les 5 années, ben, il a quitté la société Le Nickel, lui aussi, comme bien d'autres, pour trouver autre chose ailleurs, chez d'autres mineurs ou n'importe quel autre métier. Et beaucoup, après, par la suite, s'installaient à leur compte en tant que jardiniers ou la culture du café, voyez, chercher un autre travail. Quand il a quitté, il a fait le jardin. Ensuite, il est descendu à Nouméa. Et il s'est marié. Quelques années après, il a été taximan. Il y avait un monsieur Nishiyama, un gros propriétaire qui avait 2-3 magasins à Nouméa. Et il était à l'époque le président de l'association des résidents japonais en Nouvelle-Calédonie. Donc je pense que, parce que mon père n'a jamais pu s'acheter une voiture, c'était inconcevable. Donc je pense qu'il a dû emprunter à ce gros propriétaire pour lequel il avait travaillé avant sur une de ses propriétés en tant que jardinier. Donc il a dû emprunter pour acheter ce taxi. Mais au bout d'un certain temps, je pense qu'il n'a pas pu rembourser la totalité. Et ce qui fait que Nishiyama a repris le taxi. Donc après, il a continué à faire du jardin. Il avait avec un ou deux Japonais, ils avaient loué une petite propriété à Robinson et ils ont refait du jardin comme à l'époque. Mon grand-père maternel s'appelait Matsumoto Ichimatsu et mon grand-père paternel s'appelait Takamune Toraki. Marie-José Michel. Ils sont arrivés tous les deux, l'un en 1913, l'autre en 1914. Ils venaient en Nouvelle-Calédonie pour des raisons économiques, bien sûr, venant de la région de Kumamoto, c'était une région du sud du Japon. Ils venaient effectivement pour gagner de l'argent. À l'instar de toutes ces personnes émigrées à Hawaï qui partaient et revenaient avec un pactole. Sauf que l'émigration à Hawaï était complètement différente, c'est-à-dire que c'était pour l'exploitation de la canne à sucre, donc c'était au grand air, et les émigrés partaient avec leurs femmes. En Nouvelle-Calédonie, c'était l'exploitation avec la pelle et la pioche. Et sur 5575, seulement 60 femmes ont été autorisées à venir. C'était les conditions du contrat que leur signait la grosse société Le Nickel. On disait honorable société Le Nickel à l'époque. Et les contrats prévoyaient seulement une durée de 5 ans et 100 femmes. Cécile Gap, par quel côté êtes-vous japonaise ? Mon père. Il est arrivé en Nouvelle-Calédonie à quel moment ? Je pense vers 1905, quelque chose comme ça, si je ne me trompe pas. Parce qu'il est venu, il a travaillé sur les mines, vous savez, sur les mines de Tio pour le nickel. Et puis ensuite, il est allé dans d'autres petites mines. Et puis ensuite, donc, Il est arrivé à Tours. Il avait pris un commerce à Tours. Et quand il s'est marié, il a épousé la petite fille du grand chef de Pueblo. Et là est née ma mère. C'est marrant parce que lui, il est arrivé en 1905. Il devait avoir 17-18 ans. Et ma mère est née en 1906. Ça fait qu'ils se sont mariés, puis se sont installés là à Coquingone, où la famille est toujours. Donc ils avaient une grande différence d'âge. Oui, bien sûr, puisque quand il s'est marié, lui avait déjà 35 ans, par là, elle avait 17 ans. Et avant, c'était des mariages forcés. C'est pas les jeunes qui décidaient. Sa mère lui a dit, bon, tu vas épouser monsieur un tel. Bon, ben, ça, elle avait rien à dire, vous voyez. C'était courant, les mariages comme ça, entre Kanak et Japonais? Oui, il y en avait pas mal comme ça. Et je ne sais pas pourquoi, mais beaucoup ont pris, ils sont allés vers les chefferies. Je ne sais pas pourquoi, ils ont pris des filles des chefs ou des choses comme ça, oui. Nakagawa, vous savez d'où venait en France la famille de votre mère? Oui, le grand-père était dans la Nièvre, dans une ville que vous devez certainement connaître, Guérigny. Oui. Il était venu ici avec une condamnation de 5 ans, une dette qu'il n'avait pas pu rembourser. Donc il avait été condamné à 5 ans de bagne à l'époque de déportation. Voilà le grand-père. Comme de nombreux descendants calédoniens de mon époque, on est pratiquement tous des descendants de bagnards. Comme avant, il fallait pas en parler. Mais maintenant, on est descendants de bagnards, on rigole. Il y a 5575 célibataires japonais. Les convois qui arrivent en 1913-1914 ne repartent pas. Pourquoi ? Parce que pour un japonais, perdre la face, c'est quelque chose d'horrible. Et ces gens-là, vu le contexte de la Première Guerre mondiale, le franc est dévalué. S'ils rentrent, ils ont juste de quoi payer leur billet de bateau et ils n'ont pas de quoi ramener de l'argent. Donc ils restent, ils s'installent et sur toute l'île et ils deviennent des petits artisans, des commerçants, des exploitants de café, éleveurs, etc. Mais beaucoup, beaucoup se mettent dans des petits métiers comme les coiffeurs, les tailleurs, des fabricants de nouilles, de tofu, des petits commerçants. Évidemment, ils vont prendre femme ou se marier ou être en concubinage. Et là, comme ils sont sur toute l'île, ils prennent femme dans toutes les couches de la société. Beaucoup d'entre eux se marient avec des filles de chefs de tribus. Alors j'ai posé la question un jour à un sénateur coutumier et il m'a dit « Mais enfin, Madame Michel, les chefs pour leurs filles voulaient le meilleur parti ». Et ils trouvaient que les Japonais étaient des gens sérieux, qui avaient une parole, qui étaient travailleurs, qui étaient serviables et gentils. Et donc, contrario d'un mari mélanésien qui n'était pas toujours à l'image de ce qu'auraient voulu les pères chefs de tribu pour leurs filles, eh bien, préféraient que leur fille se marie avec un Japonais. Donc il y a eu des métissages aussi bien avec des Vietnamiennes, ce qu'on appelait les Indochinoises autrefois, des Mélanésiennes, des Françaises, des Javanaises, puisqu'il y avait une forte émigration aussi de Java. Et bien tout ça cohabitait, c'était déjà à l'époque le destin commun avant l'heure. Et mon grand-père maternel a vécu en concubinage avec ma grand-mère maternelle qui était métissée déjà mélanésienne et alsacienne. D'accord. Voilà. Donc, après, on vit avec tous ces métissages. Vous arrivez à vous expliquer cette récurrence du concubinage et de l'absence de mariage? Il y a une raison? Je crois qu'il y a une raison qui fait foi, c'est cette possibilité de repartir au pays, de ne pas faire de fausses promesses. Et puis, il y a surtout aussi des hommes qui sont déjà mariés. Au Japon? Au Japon. Mais ils reconnaissaient leurs enfants? Absolument, ils reconnaissaient leurs enfants et certains même reconnaissaient les enfants des autres. Donc, voilà. Dans les rizières, il employait d'abord les hommes de la tribu pour faire les gros travaux et les femmes pour piquer le riz dans la boue, là, vous voyez, piquer les petites mottes de riz. Sophie Nakamura. Et donc ma mère faisait partie du groupe, voilà. Et puis, voilà, il est tombé amoureux, quoi, hein, de Marianne, ou à mi-temps. Et ils se sont mariés. Il y a eu beaucoup de réticence de la part des parents de ma mère, hein. Et je pense, d'après la date de naissance de notre frère aîné, qu'ils ont fêté Pâques avant Carême. Et c'est comme ça que la famille a cédé. Et après, il n'y avait plus de problème. Hein. Il était accepté par la famille. Voilà. Ils se sont mariés, oui. Un pot-au-feu, ce qu'on appelait à l'époque, c'était courant, hein, le potage. Donc le pot-au-feu, qui consistait des pois et des carottes, des 2-3 navets, un poireau, et vous voyez, des 2-3 branches de céleri, et ce qu'ils appelaient le pot-au-feu. Et ça se vendait 1 franc. Vous voyez, pour vous dire, à l'époque, mais 1 franc, à l'époque, c'était beaucoup, quoi, hein. Et ça, il l'a fait pendant quelques années, jusqu'à ce que la mine de Goro ouvre. Alors là, ça a été l'évasion de pratiquement tous les jardiniers japonais. Ils sont tous partis travailler à Goro. Pourquoi? Pour la société Le Fer, le chrome de fer. Et mon père a eu de la chance qu'il était un bon cuisinier. Lui, il était affecté aux cuisines. Donc, il n'était pas avec sur la mine. Lui, il faisait la cuisine pour les Japonais, uniquement pour les Japonais. Ils étaient à l'époque, pour commencer à faire les travaux, ils étaient à peu près une cinquantaine de Japonais, des résidents de Nouméa qui étaient montés à Goro. J'ai monté à Goro là, pendant les vacances, c'était mon bonheur, j'avais 12 ans. Là, c'était ma joie, quoi, parce que la pêche avec les Japonais, ils avaient des bateaux. On en allait le dimanche, on allait à la pêche. Moi, c'était au cas de rester à Nouméa, là, tourner en rond, jouer au football sur les places publiques. Ah, mais c'est, vous savez, sincèrement, j'ai eu une enfance très modeste. Il parlait bien le français? Il parlait petit nègre, comme tous les vieux japonais, il parlait petit nègre. Mais il comprenait très bien, il s'exprimait en petit nègre, mais il comprenait, on leur parlait normalement. Oui. Par contre, ils disaient toujours moi, ils disaient pas je. D'accord. Moi, demain, partir travailler. Il parlait petit nègre comme ça. C'était toujours pas, il n'y a pas de je, c'est moi, moi. Moi, demain, faire ça, moi, demain, faire ça, moi. Mais c'est malheur, 6 ans, on n'a pas vécu longtemps avec notre père. Et vu les circonstances dont travaillait mon père, mon brousse, la maman à Nouméa, donc le papa ne le voyait pas souvent. Quand il descendait avec une petite permission, il remontait, puis la vie s'apprête avec les parents, bien naturellement, il arrive un moment où ça ne marche plus, quoi. Hein. Et c'est pour ça qu'on n'a pas vécu très longtemps avec notre père, non. On a toujours vécu avec la maman. Et puis on a poussé comme ça. Mais c'est la vie, hein, c'est la vie, c'est comme ça. Des hauteurs d'Honolulu, le spectacle est incompréhensible. Pearl Harbor est attaqué. Ceci n'est pas un exercice, répète affolé le speaker de Radio Hawaï. Une heure après l'attaque, les diplomates japonais arrivent au département d'État, à Washington, pour y apporter la déclaration de guerre. Le lendemain, Roosevelt arrive au Capitole pour un discours inoubliable. Yesterday, December 7, 1941, 8 décembre 1941. A date which will live in infamy. The United States of America was suddenly and deliberately attacked by naval and air forces of the Empire of Japan. There is no blinking at the fact that our people, our territory, and our interests are in grave danger. With confidence in our armed forces, with the unbounding determination of our people, we will gain the inevitable triumph. So help us God. Marie-Josée Michel, qu'est-ce qui se passe exactement en 1941, après cette attaque de Pearl Harbor qui signifie l'entrée en guerre des États-Unis? Quel est le processus qui induit l'internement de tous les Japonais de Nouvelle-Calédonie? Alors, pour ce qui concerne la plupart des Japonais, dès le lendemain, ils sont ramassés. La police et les militaires viennent les chercher là où ils logent, où ils habitent, et on les regroupe place Birakem, qui se trouve en plein centre-ville, devant ce qui est maintenant le monument aux morts. On les regroupe là, et ensuite, tout ça se fait à la va-vite. On les envoie à l'île Nou, et on dresse un camp d'internement à l'île Nou, qui est ce qui est aujourd'hui le théâtre de l'île, mais qui était une ancienne chapelle, puis ensuite un ancien magasin. Il reste quelques jours. Ça se fait très vite, hein. Ils sont ramassés le Pearl Harbor le 8 décembre 41. Le 9 décembre, ils sont ramassés et à partir de là, ils sont envoyés parce qu'il n'y a pas de communication par la route. Donc, ils sont envoyés dans cet endroit par des chaloupes, des petites embarcations. Et on en ramasse comme ça 1340. Même en comptant les familles composées qui sont venues en émigration libre. Sur ces 1300, seulement 200 laissent une famille en Nouvelle-Calédonie. Ben, l'arrestation de mon père, ça a été... J'ai pratiquement rien vu, j'ai même pas revu mon père. Ceux de Brousse, quand ils descendaient, ils étaient parqués, on peut dire, devant la caserne, sur la grande place où il y avait le terrain de football, là. Ils étaient là. Les Japonais, nous, on allait voir comme ça, là, hein, parce qu'il y en avait là. Mais je pense que le convoi de Goro, qui était à peu près d'une cinquantaine ou quarantaine, je pense qu'ils ont dû débarquer au quai et ils sont partis directement sur Nouville. Ils ont dû être débarqués, parce qu'ils sont descendus par un petit bateau qui faisait le ravitaillement. Hein. Donc, ils sont partis à Nouville directement. Donc je ne l'ai jamais revu. Même quand il était à Nouville? À Nouville, non, on n'avait pas le droit d'aller les voir. On n'a reçu qu'une lettre, une vingtaine de jours après. Une lettre mon père avait fait écrire par une personne que je connaissais très bien, un Mélanésien de Wailou, qui était un ami de football, qui était dans l'armée. Et il était là-bas, il était gardien, ils étaient plusieurs militaires. Ils étaient gardiens des Japonais, ils étaient, on peut dire, parqués. Parce que là-bas, il n'y avait rien dedans. Et la journée, ils allaient couper de la paille pour mettre par terre, pour pouvoir dormir. Et pour aller aux toilettes, ils avaient coupé un demi-fût, ils avaient mis dans un coin. Ils sont restés un mois comme ça. Un mois. Alors mon père, il disait, un mois, rester Nouville, jamais oublié. Mais après, Australie, 4 ans. Ça... Bon, très bon. C'était mieux. Ah, ils étaient. Mais là-bas, ils travaillaient. Ils n'étaient pas des renfermés, des condamnés. Mon père, il était toujours affecté cuisinier, affecté aux cuisines, dans les camps. Et il touchait un petit pécule. Eh bien, notre père, c'est spécial comme il s'est fait naturaliser français. Sophie Nakamura. Je pense que c'est notre mère qui l'a poussé parce que elle était devenue étrangère aussi. Alors, oui, elle était devenue étrangère et puis donc voilà, plus de droits, plus de trucs. Et il s'est fait naturaliser français et donc il est à la guerre, il n'est pas parti en Australie et au Japon. Il a été dans le petit groupe qui sont restés à Nouville. Ils n'étaient pas en prison, hein. Ils étaient plutôt là-bas vers à l'hôpital. Et ils étaient en résidence surveillée, quoi. Ils pouvaient aller à la pêche, ils voulaient cultiver leur jardin. Voilà. Donc, il y a un groupe de Japonais qui n'a pas été déporté en Australie, mais qui est resté pendant toute la guerre, de 1941 jusqu'à la fin de la guerre, à Nouville. À Nouville, oui, les naturalisés français. Et ceux aussi qui n'étaient pas naturalisés, mais qui avaient leur fils dans l'armée. Sous les drapeaux. Oui, comme M. Nawa, M. Sigura, je crois. Oui, il y en a eu pas mal, j'ai appris après ça. Et vous étiez autorisée à lui rendre visite ? Alors, on allait avec notre maman, on allait tous les dimanches. Et il n'y avait pas la digue, hein. Donc il fallait prendre on appelait ça la pétrolette. Tous les dimanches matin, maman, nous, avec mon frère et moi, là, on était petits. Et les grands, parce que les grandes étaient en pension chez les sœurs. On allait tous les dimanches passer la journée avec notre père. Il y avait des prémices, hein, déjà avant décembre 1941. Il y avait des méfiances. Il y avait une méfiance. Il y avait surtout les nouvelles qui disaient ce qui se passait dans tout le Pacifique, cet expansionnisme. Et mon grand-père vendant aussi ses légumes à l'armée et à la marine, une personne de l'armée lui avait dit « Attention, Matsumoto, si tu as quelque chose d'important à cacher, il faut le faire parce que si jamais la guerre est déclarée, tu risques de perdre des choses. » Et donc, il a supposé que les barriques de shoyu, ce qu'on appelle la sauce de soja, et les fûts d'huile, les petits bidons d'huile qu'il avait en stock pour nourrir sa famille et ses nombreux amis, puisqu'il avait des employés maraîchers, il a estimé qu'il fallait sauvegarder déjà ça. Et donc, ma grand-mère maternelle me racontait que les nuits, il faisait des tranchées dans son jardin. Et ma grand-mère transvasait, depuis les bidons ou les petits fûts, elle transvasait le soyo et l'huile dans des bouteilles qu'il scellait ensuite à la cire et qu'il cachait dans les petites tranchées. Il va y avoir 4 convois envoyés sur l'Australie. On les fait partir à raison d'à peu près 300 par convoi, 300 à 500. Et le premier convoi part le 19 décembre, le deuxième le 19 janvier, le troisième, je crois, le 23 février, quelque chose comme ça. Et le dernier va partir au mois de mai, vers le 20 mai. Et pourquoi le dernier ? C'est celui dans lequel seront embarqués mes deux grands-pères, parce que ce sont tous les maraîchers. Il faut savoir que la colonie avait besoin encore de cette main-d'œuvre et de ces gens qui produisaient les légumes et les fruits. Et donc, on fait partir les maraîchers en dernier. C'est donc Et quand ils arrivent au camp de Hay, qui se trouve un peu au nord de Sydney. Ils arrivent fin 41, début 42, et vers la mi-43, on s'aperçoit que ce sont finalement des civils. Et ils sont mélangés à des prisonniers de guerre. Qui étaient déjà en Australie. Qui étaient déjà en Australie, qui avaient été ramassés aussi bien en Australie qu'en Indonésie, que, voilà, et dans toutes les îles environnantes. Et on s'aperçoit que finalement, mais ce sont uniquement des civils. Donc là, à partir de 1943, on les transporte à Loveday, dans l'Australie du Sud. C'est un camp qui se trouve à 200 km à l'est d'Adélaïde. Il y aura finalement deux camps où seront les internés japonais. Le camp de Loveday pour les célibataires et le camp de Tatura pour des familles japonaises composées. Vous aviez quel âge quand il a été arrêté, en 41 ? En 41, j'avais... Cécile Higa. Je devais avoir 5 ans, quelque chose comme ça. Mais je l'ai vu partir. Je l'ai vu partir ce jour-là... Un camion est venu et puis ma mère, elle avait envoyé tous mes autres frères et sœurs sur la plage. Et puis, mais moi, je ne sais pas pourquoi, j'étais toujours là. J'étais très curieuse, alors donc il fallait que je voie tout. Et j'étais à côté d'elle, je l'ai vue monter dans ce camion-là avec tous les autres Japonais qui étaient déjà. Et puis ma mère, elle a beaucoup pleuré. Mais moi, je ne comprenais pas encore pourquoi. Je ne savais pas. Mais tout ça m'est resté toujours dans la tête, toutes ces choses-là. Jusqu'au jour où, bien sûr, il est décédé. En 1943, il est décédé. Et puis, quand le facteur... Parce qu'avant, le facteur, le courrier arrivait par... Il n'y avait pas de voiture. Aussi, il y avait quelques voitures, mais le facteur le faisait avec un cheval. Vous savez, quand il a amené ce télégramme d'Australie, comme quoi il était décédé, et bien ça a été horrible. Quand j'ai vu ma mère s'écrouler là et pleurer comme je ne sais quoi, je ne comprenais toujours pas. Et c'est longtemps après que je ressassais toujours ces choses dans ma tête. Après, quand je suis allée à l'école, c'est sorti un peu de ma mémoire. Et plus tard, j'ai repris encore. Je pensais toujours où il était, qu'est-ce qu'il fait, est-ce qu'on l'a enterré dans le désert. Je pensais toujours, parce que je voyais les images d'Australie avec le désert et tout ça, hein, les kangourous bien sûr et compagnie, et je pensais qu'il était enterré quelque part là. L'empereur Hirohito, 15 août 1945. Et quand votre père a-t-il été libéré ? C'était en 1946, je sais. Après la bombe de Nagasaki, je crois. Voilà. Ouais. Et il est revenu vivre avec vous ? Il est revenu. Entre-temps, notre maman est morte. Pendant la guerre ? Oui. Et donc, mon frère et moi, on a été pris par les oncles et tantes de la tribu. On a vécu dans la tribu pendant peut-être 2 ans. Voilà. Et il est revenu, donc il a repris... le maraîchage, et puis il a essayé de refaire le riz, mais c'était trop dur parce que tout avait augmenté, les salaires, tout quoi. Donc il ne pouvait plus faire le riz, mais il faisait du maraîchage et il employait toujours les gens de la tribu. Et donc, comme il était très un bon cultivateur, il faisait de beaux légumes qu'il arrivait à bien vendre sur Nouméa, quoi. Voilà. Et lorsque votre père a été arrêté et ensuite déporté en Australie, Votre mère s'est retrouvée toute seule avec vous et tous vos frères et sœurs. Elle avait 8 enfants et elle n'avait que 38 ans. Voilà. Et comment s'en est-elle sortie? Elle a pu garder la maison qu'ils avaient ensemble? Oui, oui, oui. Parce qu'elle m'avait raconté après que papa étant encore là, il lui avait dit comme ça, il faut prendre la nationalité française, toi et les enfants. Parce qu'elle étant mariée à un Japonais, automatiquement elle était japonaise. Voilà. Et puis il lui a conseillé ça, il a dit les garçons, c'est pas utile puisqu'ils vont faire leur service militaire, donc ça... ils seront français directement. Mais nous, eh bien, il fallait le faire. Et c'est ça la question qu'on s'est posée après, pourquoi qu'on a pu garder ce grand terrain. Et puis... Parce que vous avez pu garder tous vos biens, rien n'a été séquestré. Absolument rien. Et quand un jour, je suis allée faire mon passeport, et c'est là que j'ai dû demander un certificat de nationalité au tribunal. Et là, c'était écrit que c'est depuis 1945. Mais comme lui, c'était un patriote japonais, il voulait rester japonais quoi qu'il arrive sur sa personne même, mais il voulait nous tenir à l'écart de ça. Il a dit, on ne peut pas partir au Japon, c'est difficile la vie là-bas, c'est trop... C'est vrai, c'est strict là-bas, je suis y allée déjà. C'est très là où est ma famille. On ne peut pas vivre comme ici. Ici, nous, on vit librement, vous savez. Mais là-bas, non, il faut marcher comme ça. Là. Surtout dans ma famille, là. C'était une famille comme ça. On sait ce qui est arrivé à votre père. Pourquoi est-il mort en 1943? J'ai eu dernièrement des nouvelles par Marie-Jo. C'est d'une pleurésie. Donc, il est tombé malade dans le camp australien? Exactement, puis il est décédé là-bas. Oui. Et est-ce que la famille de votre mère vous ont aidé à ce moment-là, lorsque votre père a disparu? Ben, la famille côté mélanésienne, non, quand il y a eu la guerre, ils ont coupé là. On était des Japonais, on était des ennemis, vous savez. C'était très terrible parce qu'on était comme ça, mais on était ennemis quand même. Hein. Pour tous. Et... Là, sur le terrain où on habitait, il y avait un camp américain. Les Américains, sachant même que nous étions japonais, ils ne regardaient pas de cet œil-là. Ils regardaient qu'on était des enfants. Alors, ils nous aidaient comme ils pouvaient aussi. La mère, elle a dû beaucoup travailler avec mes frères et sœurs qui étaient plus grands pour faire des légumes, pour faire des choses comme ça. On avait aussi une petite ferme, donc il y avait du poulet, des porcs et des tas de choses comme ça. Et elle s'en est ressortie comme ça. Mais tous les jours, je la voyais en train de prier parce qu'elle n'avait que ça, puisqu'il n'y avait plus personne. Elle ne s'appuyait que sur Dieu. Alors on priait le matin, le midi, le soir. Des fois, c'était dur pour nous, mais quand elle dit qu'il faut prier, ben, il fallait le faire parce qu'elle était... Heureusement qu'elle était comme ça. Et c'est ces discriminations ou cette méfiance vis-à-vis de vous, parce que vous étiez en partie d'origine japonaise, oui. Ça a continué après la guerre? Ça a continué parce qu'à l'école, même, on allait en internat. On était petits, mais entre enfants, de toute façon, tous les enfants, ils sont incertains. Des fois, on est méchants. Hein. Alors, on dit, ça, le japonais, ceci, cela. Et nous, qu'est-ce qu'on faisait? Eh bien, on pleurait simplement, puisque moi, j'avais 8 ans quand j'étais à l'internat. J'avais une petite sœur qui était beaucoup plus jeune. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? De toute façon, quand on me faisait ça, moi, je pensais à papa et je pleurais. Mais c'était parfois des adultes qui le faisaient. Et ça, c'est... Bien sûr, c'est la guerre, mais enfin, faut pas pousser quand même. C'est ce que je pense, hein. On s'est refermé sur nous-mêmes. On avait presque honte d'être japonais. Puis on est resté pas mal de temps comme ça. Et être comme ça, c'est pas drôle. C'est pas drôle du tout. J'ai plein de documents de recherche. On a écrit dans toutes les mairies de la Calédonie et tout ça. Et puis, il y a une... Vous n'avez pas vu Adèle? Elle était au moment de la guerre. Sa mère, donc, s'était séparée de son père. Et elle vivait toute seule avec lui sur la propriété de Madame Schmidt à Tours. Et quand les gendarmes sont venus prendre son père, ils l'ont laissée, toute petite. Six ans, oui. Six ans, et le papa disait, je ne peux pas l'emmener au village, chez ma patronne. Et ils ont dit, non, voilà. Alors, il lui a fait un petit ballot de linge, et puis il l'a laissé sur la route. Et donc, ils sont partis, voilà, en la laissant comme ça. Et un Mélanésien est passé, il l'a prise, puis il l'a emmenée avec lui, à la tribu. Et heureusement que la patronne, après, s'en est occupée. Elle est allée la chercher dans la tribu ? Elle est allée la chercher. Voilà. Et elle l'a élevée. Donc, elle est bien élevée parce qu'elle était contente après d'elle. Eh bien, on a essayé de rechercher son père, enfin, parce qu'il était d'Okinawa, on a essayé de le rechercher. Eh bien, on n'a pas pu retrouver sa trace. Peut-être qu'il est mort en Australie ou. Charles de Gaulle, 15 mai 1945. La victoire n'est pas un aboutissement pour la 4e République. Elle est un point de départ. En avant donc ! Un seul chant me paraît digne de cette inoubliable journée, la Marseillaise. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire. Lorsque la guerre est terminée, en février 1946, on leur dit, parce qu'il faut le temps que les choses se mettent en place, Marie-José Michel. On leur dit, on vous rapatrie sur le Japon, et là, il y en a une trentaine qui signent une pétition pour dire non, moi je veux revenir en Nouvelle-Calédonie, j'ai des enfants, j'ai une femme. Et on leur interdit tout simplement de revenir en Nouvelle-Calédonie. On leur dit direction le Japon. Et il y avait ce qu'on appelait la white policy, la politique blanche de l'Australie. Et ça a été une déchirure parce que, bien sûr, cet expansionnisme japonais faisait que les Australiens se méfiaient. Et d'ailleurs, si on n'a pas accordé le droit de revenir à certains qui le demandaient, c'est bien parce que, d'une part, l'Australie influençait un petit peu la politique de la France, de la Nouvelle-Calédonie, en disant non, ça va continuer, on va encore avoir affaire à des sursauts, et ce qu'il faut, c'est les renvoyer directement. Et cette politique a fait que les prisonniers de guerre qui se trouvaient à Kora ont fait cette tentative d'évasion. Il y a eu beaucoup de mal à cicatriser cet épisode dans l'histoire australienne. Et en 1964, il y a eu un traité de paix entre l'Australie et le Japon. Et l'Australie a offert un immense terrain à Kora. Et c'est un paysagiste japonais renommé, qui est venu et qui a fait un magnifique jardin japonais en mémoire de ce qui s'est passé et pour la réconciliation. Et à Kora, il y a un cimetière militaire japonais dans lequel on a mis les sépultures de tous les Japonais décédés dans les camps australiens. Mais vous aviez la nationalité française ou vous étiez japonais ? pour jusqu'à une certaine période, on était reconnu japonais. Donc ma mère avait la nationalité japonaise, mais comme après, par la suite, elle a divorcé, donc elle avait repris sa nationalité française. Mais nous, les enfants, on était déclarés Nakagawa, donc on était japonais. Et j'étais étonné de recevoir une convocation pour passer au conseil de révision, faire mon service militaire. Ben oui, c'est étrange. En tant que japonais, alors je peux dire que j'étais un étranger dans l'armée française. Quand j'ai reçu la lettre pour me présenter au conseil de révision, je suis allé. J'ai fait 27 mois de service, de 44 à 45, juillet 46. Alors le plus curieux, en 63, quand j'ai voulu retrouver mon père au Japon, j'ai fait une demande de passeport. Je remplis la feuille, j'ai une nationalité. Oh, j'ai eu nationalité, j'ai fait service militaire, nationalité française. Je rends ma feuille. La personne me dit, mais monsieur Nakagawa, vous êtes un japonais, oui, oui. Pourquoi vous mettez, vous êtes naturalisé quelque chose? Je lui dis non. Mais il me dit, pourquoi vous mettez nationalité française? Oh, je dis, je pense que je suis français. J'ai fait mon service militaire. Ah, il me dit, non, monsieur, je ne peux pas vous donner votre service, votre passeport, parce que vous êtes étranger. Ah. Alors, il me dit, écoutez, allez au tribunal, ils vous diront que vous êtes japonais, parce que vous n'êtes pas naturalisé. Moi, je cours là, je tombe sur le juge Lera, une personne très sympathique, très gentille, j'ai bien expliqué mon histoire. Il me fait remplir la feuille, là. Nationalité française, le juge Lera au tribunal. Je redescends là-bas au service des passeports. Je dis, voilà, monsieur, je suis français. Moi, le passeport, j'en avais besoin après pour aller retrouver mon père, 22 ans après. Et je suis parti par un minéralier. 14 jours pour aller, 14 jours pour venir. Donc, vous voyez, il me fallait un mois de voyage. Je n'avais pas d'autre solution pour retrouver mon père, que je n'avais jamais pas pu le revoir avant. Aucun moyen d'aller en voyage à l'époque, on était, vous le dites. Pas mis très modeste alors. C'était la bonne raison pour moi de retrouver mon père. Pour quelle raison j'ai retrouvé mon père que 22 ans après? Parce que j'avais pas les moyens de le retrouver. Vous voulez qu'on s'arrête un petit peu? Après l'armistice, c'est le gouvernement français qui a refusé que les Japonais reviennent en Calédonie. Moi, je pense qu'ils auraient dû autoriser ceux qui avaient de la famille. C'était la moindre des choses. C'est ce que je reproche à la France, sincèrement, hein, de ne pas avoir envoyé le père. Ouais. Il n'a jamais voulu revenir. Moi, quand je suis allé, là, je lui ai demandé, tu veux revenir avec moi? Allez, non. Non, non, non. Alors il me disait, maintenant, moi, trop vieux, pas la peine de partir encore, parce que bientôt mort. Bientôt mort. Ensuite, mes grands-pères sont rentrés au Japon, et c'est ce qui a fait un petit peu mon militantisme, c'est que je n'ai jamais réussi à trouver la branche de mon grand-père paternel, et que je sais tout de la branche de mon grand-père maternel. Je suis allée les voir pour la première fois en 1979. Et il a fallu que ce soit mon gendre qui me pose cette question. Pourquoi est-ce que vous n'êtes jamais allé plus tôt voir votre famille? Mais ça a été tellement enfoui que c'était le blackout total. Il ne fallait surtout pas parler de cette histoire. Il y a eu d'énormes vexations du genre... Bonjour, monsieur le directeur d'école, je viens vous voir parce que je voudrais vous demander de déplacer mon fils, de changer mon fils de place. Je ne veux pas qu'il soit assis à côté du petit japonais. Ou alors des enfants qui allaient chez le boucher, on leur disait « Tu passes ta route parce qu'ici, on ne sert pas les japonais. » En 2003, quand j'ai vu sur les journaux que Marie-Jo a projeté de faire un voyage avec les personnes qui allaient chercher leurs parents. En Australie ? Oui, et je suis allée là. Et là-bas, bien sûr, on est allé voir tous les endroits où ils ont vécu. Ils ont vécu dans une très grande prison. Il les emmenait travailler sur un îlot à couper du bois, tout cela, pour les Australiens. Et faire du jardin aussi. Ça fait qu'on est repassé là partout là. Et au dernier jour, bien sûr, on est passé au cimetière là-bas. C'est très joli à Kovra. Quand j'ai vu sa plaque là, ça a été un choc pour moi. C'était comme si que je le trouvais là devant moi. Vous savez, ça m'a fiché un choc terrible. Oui. Mais après, je suis revenue, j'étais... Jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, je suis tranquille parce que je sais tout le reste. Y a-t-il quand même une revendication qui existe encore aujourd'hui par rapport à toutes ces richesses qui ont été séquestrées, puis ensuite revendues, mais qu'en tout cas, ces hommes n'ont jamais réussi à se voir restituer ? C'est vrai, quand je relis dans les archives les avis de vente aux enchères, il sera procédé au domicile du japonais, je dis un nom comme ça, Monsieur Tanaka, rue Tant, à la vente d'imprimus, vous savez, ce sont ces petits réchauds à pétrole, de 3 paires de draps et de 2 vélos. Je me dis, mais tout a été pris, quoi. Il y a eu 800 séquestres, hein, et les plus gros perdants, c'était les Japonais qui avaient des concessions minières. Merci à Cécile Higa, Marie-Josée Michel, Sophie Nakamura, André Nakagawa et Philippe Palombo. Prise de son, Marcos Daras. Mixage, Manuel Couturier. Nos pères, histoire d'une disparition, Anaïs Quien, Françoise Camard. Demain, dans la Fabrique de l'Histoire, nous continuons notre histoire du Pacifique et nous nous intéresserons justement à la Seconde Guerre mondiale, à la guerre du Pacifique.